de fées en français. Flocons de neige. Il était une fois, dans la petite ville de Doncaster, habitée par une communauté unie et joyeuse, vivaient les Schneiders. C'était une merveilleuse petite famille de 3 personnes. Il y avait Kurt, Olivia et Rob. Et à ce moment de l'histoire, c'était leur saison favorite de l'année, l'hiver. Les hivers à Doncaster étaient les plus jolis. Les rues étaient recouvertes d'un manteau blanc étincelant. Les enfants jouaient dehors à faire des boules de neige et des bonhommes de neige. Un jour, alors que la neige commençait à tomber, les enfants sortirent en courant pour jouer. Kurt était dans son allée, occupé à dégager la neige, et il surveillait Rob qui jouait avec les enfants du quartier. « Chérie, le thé est prêt !»« J'arrive, chérie !» C'était une famille heureuse. Ils adoraient Rob, leur fils chéri. Cependant, les Schneiders attendaient toujours que les bonnes fées viennent leur offrir la chance d'avoir aussi une fille. « Regarde les petites filles jouer! Comme elles sont si mignonnes! J'aimerais trop en avoir une à nous! Je pourrais la coiffer, l'habiller avec les plus belles robes! Ce serait super !» Tandis qu'ils se tenaient devant la fenêtre, Kurt vit quelques-unes des filles construire un bonhomme de neige. « Chérie, j'ai une bonne idée. C'est une si belle journée. Pourquoi n'irions-nous pas construire un bonhomme de neige avec Rob ?»« Quelle bonne idée, chérie! Je vais chercher des outils dans notre garage de suite. »« On pourrait faire une enfant en neige. On l'aimerait comme l'une des nôtres. Et on l'aimerait donc très fort. »« Ce serait vraiment génial !» Et ainsi, Kurt sortit ses outils de sculpture. Rob continua de faire des boules de neige, tandis qu'Olivia rentra à la maison pour leur préparer des bols de chocolat chaud avec des mini chamallows dedans. Ils commencèrent à donner forme à la petite poupée de neige. Ils firent d'abord le corps avec des petites mains, puis ajoutèrent des pieds avec des orteils minuscules. Tiens, papa, faisons sa tête maintenant. C'est tellement drôle. J'ai vraiment hâte que Flocon de neige soit terminé. Flocon, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Ensuite, ils sculptèrent son menton, un joli petit nez, et lui firent 2 beaux yeux. Il tailla avec soin ses lèvres. Et voilà! Elle était fin prête et joliment finie. Au même instant, la chute de neige s'arrêta. À travers les nuages, passa un fin rayon de soleil qui descendit sur Flocon. Puis soudain, un petit souffle d'air s'en échappa. Kurt tomba à la renverse. Rob hurla d'excitation. « Ah, maman, elle est vivante !»« Oh mon Dieu, c'est quoi ça ?» Le visage de Rob s'illumina d'excitation quand ses yeux rencontrèrent les siens. Et ses lèvres à elle se teintèrent en rouge framboise quand elle leur sourit. Olivia sortit en courant pour voir ce qu'il se passait. Et à sa grande surprise, Flocon se retourna, faisant tomber tout le surplus de neige qui était sur elle. « Oh mon Dieu, c'est un miracle !» Les fées nous ont enfin fait ce cadeau! Alors, ils se réjouirent tous et rentrèrent à l'intérieur. Flocon grandit vite. Tous les jours, elle gagnait en centimètres et en intelligence. Tous les enfants de la petite ville passaient les voir pour jouer un moment avec Flocon. Un jour, alors que l'hiver était fini, Flocon raconta des choses à sa mère sur les fées de la terre et du ciel. Les fées de l'eau m'attendent, maman! Et quand le soleil brillera plus fort, je devrai les rejoindre. Mais s'il te plaît, ne t'inquiète pas. Tu pourras me voir encore un peu dans la rivière avant que je ne parte complètement. Oh, mon petit Flocon, que dis-tu là? Je ne te laisserai aller nulle part. Maman, je le dois. Vois-tu, je suis la fée du cycle de l'eau. Mais ne t'inquiète pas, je reviendrai. Mais où vas-tu aller? Je vais couler le long du cours d'eau et remplir la rivière pour donner de l'eau à tout le monde dans la ville. Mais, ma chérie, comme je te l'ai dit, maman, ne t'inquiète pas, je reviendrai. Alors, le lendemain, Flocon et Rob allèrent jouer près de la rivière avec leurs amis. Ils y passèrent la matinée à jouer à des jeux et à chanter assis sur l'herbe. Quand le soleil se mit à briller plus fort, Flocon commença à fondre et s'assit sur la berge de la rivière. Au bout d'un moment, elle avait complètement fondu et avait rempli la rivière de son eau. Hé, où est allé Flocon? Elle était juste là, non? Flocon! Flocon! Les enfants la cherchèrent partout sans pouvoir la trouver nulle part. À cet instant, Rob entendit son nom quelque part. Rob! Rob! On dirait la voix de Flocon. Moi aussi, je l'ai entendu. On dirait que ça vient de la rivière. Ils coururent à la rivière, dans laquelle ils virent une jolie petite fille qui flottait dans l'eau. C'était Flocon. Dis à maman que je reviendrai très bientôt. Maintenant, je m'en vais avec les fées de l'eau. Confus, Rob se gratta la tête et acquiesça. Puis il courut raconter tout cela à sa mère chez eux. Pendant ce temps, Flocon s'écoula le long du courant et rejoignit les fées de l'eau. En journée, elle rendait visite à ses amis sur les berges et amenait de l'eau aux gens pour qu'ils puissent boire et en ramener chez eux. Voilà pour vous, madame. Merci, ma petite. Oh, arrête! Tout le territoire était rempli de la vie qu'elle apportait ici et là grâce à son eau. En coulant le long de la rivière, les fleurs se mirent à éclore et l'herbe devint plus verte. Les oiseaux volaient en chantant leurs chants les plus mélodieux. Les mois passèrent et ce fut bientôt l'été quand la chaleur arriva dans la région. Les rayons du soleil descendirent pour jouer et les enfants aussi reprirent leurs jeux à la rivière. Ils sautaient dedans et nageaient avec Flocon qui les transportait le long de la rivière dans son eau. Rob s'amusait comme un fou dans l'eau. C'est tellement amusant! Je dois maintenant aller rejoindre les fées dans le ciel. C'est là que je vais m'évaporer et monter dans l'atmosphère. Je vais voler dans l'air et suivre le vent. Tu comprends? C'est ça ma mission. Mais pourquoi tu dois y aller? Tu ne peux pas rester encore et jouer avec nous? Si je n'y vais pas, le vent ne pourra pas bien souffler et les fleurs ne pourront pas être pollinisées. Il n'y aura pas d'air pur à respirer non plus. Ne t'inquiète pas, je reviendrai très bientôt. Et ainsi, Flocon s'évapora et rejoignit le ciel. En passant à travers les arbres, elle se promena en soufflant sa légère brise. Kurt était dehors sur la pelouse, à tondre l'herbe, lorsqu'une légère brise vint le caresser. Il regarda en l'air et à sa grande surprise, il aperçut Flocon qui flottait dans les airs. Salut papa! Oh, coucou ma chérie! Olivia, regarde un peu qui est là! Oh, ça fait tellement plaisir de te voir ma chérie! Oh, c'est tellement rigolo de voler dans les airs! Avec les fées du soleil en journée, je m'amuse beaucoup! Et le soir, eh bien, je peux souffler dans les arbres de la forêt quand les oiseaux vont dormir. Je reviens bientôt à la maison, papa et maman. L'hiver n'est maintenant plus très loin. Prends soin de toi, ma chérie. Dans un souffle léger, Flocon s'envola vers le ciel. L'hiver arriva enfin et la neige commença à tomber, recouvrant la ville de son manteau blanc. Maman, papa, il neige, il neige. Il est temps pour Flocon de revenir à la maison. Enfin, je lui ai préparé beaucoup de biscuits. Ils sortirent dans le jardin en courant pour accueillir leur petite fille et au même instant, Flocon apparut dans la neige. Plus grande qu'avant, elle courut vers ses parents et les serra fort dans ses bras. Je suis contente d'être de retour. Oh, mon petit Flocon, je suis si heureux que tu sois revenu. Tu ne nous quitteras plus, hein? Oh, Robbie, je suis la fée du cycle de l'eau. Et j'ai été choisie par Mère Nature, l'ange de la terre, pour arroser la terre de mon eau tout au long de l'année. Donc, avec le temps qui passe, à chaque saison, je dois prendre la forme de l'eau dans son cycle, en passant de la neige à l'eau, puis à l'eau qui s'évapore en vapeur d'eau et qui revient sur terre sous forme de neige. Alors, ne sois pas triste, je serai près de toi sous différentes formes tout au long de l'année. Oh, ma petite, entre donc maintenant, je t'ai fait les biscuits que tu aimes tant. Et ainsi, ils entrèrent et profitèrent du bon temps avec du thé et des biscuits. Flocon continua d'apporter le bonheur dans leur vie et celle des gens de Doncaster, car elle était la fée du cycle de l'eau.